Dans la montagne, sur un sentier, les trois bergers remontent au château. Après ce que tu m'avais dit ce matin, quand même, tu t'en doutais un peu. Je n'aurais jamais cru que ça arrive si vite. Oh, mais c'est une histoire que tu nous racontes, alors. Oh non, ça non. À peine je suis entré dans la nuit, j'ai entendu comme un bruit d'étoffe. Et puis une respiration profonde. Et puis deux bras autour de mon cou. Et puis elle m'a mordi la bouche. Ça, par exemple. Tiens, touche mon cœur. Esprit touche le cœur de son ami. On dirait des coups de marteau. Tu n'es pas fou de mettre des appareils pour une femme comme ça. Une femme comme ça? Des femmes comme ça, j'en ai jamais vu. Même en rêve. Tu rigoles. Tu fais sa connaissance ce matin, et ce soir elle te mange les babines. Si ça lui prend si vite, c'est que ça doit lui prendre souvent. Pourquoi? Mais si c'est vrai ce que tu nous dis, tout le village va y passer. Je ne fais jamais le choix de pareil. Tu entends? Menteur! Si jamais tu dis du mal d'elle, je t'estropie pour la vie, moi. Allez, Dominique, qu'est-ce qui te prend? Je l'ai vu, brusquement, sur sa figure, ce matin. Elle m'aime d'amour. Et tu sais pas ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, si tu es un homme, trouve-toi derrière l'église à 5 heures, avec un cheval qui m'emportera où tu voudras. Elle quitte son mari, sa boulangerie, ses sous, son pain. Elle va tout perdre pour moi. À 5 heures derrière l'église. Tu vas y aller? Je ne sais pas, je crois que oui. Et où tu l'amèneras? Je ne sais pas. Donne-nous la fougasse. Il prend la fougasse, en arrache un morceau et tend le reste à Esprit.